Prosterne là où la foudre a frappé, la poussière danse sur les cendres sacrées, les tambours murmurent des secrets oubliés, Riderskil veille dans le vent affamé, le silence parle dans une langue brûlante, chaque battement est une offrande vivante, et le ciel fendu par la foi des anciens. Laisse passer le souffle des dieux framens. Les survivants allument des torches muettes, ils chantent sans mots, les âmes en fête. Riderskil n'est plus un nom, mais une vibration, un totem, un pont. Chaque larme tombée dans le sable s'unit au tambour, devient parabole. Il frappe lentement en rythme sacré, des poings contre le sol sanctifié. Se refaire dans le silence, mais la foi gronde dans la transe. Ils ont vu l'éclair au milieu de la nuit, ils ont entendu l'écho, ils ont suivi Riderskil n'était pas une guerre, mais le chant du sable contre la pierre.